Chapitre 12e, le major commence à dérouler le fil de l'intrigue. Pendant ce même été où le capitaine Arthur Walsingham, au service de l'honorable compagnie des Indes orientales, tomba subitement au pied de la femme épouvantée dans le salon de Leslewood Park, un certain Joseph Slowgood prenait plaisir à instruire le petit troupeau assemblé, trois fois chaque dimanche, dans une petite chapelle étouffante et mal bâtie reléguée dans un coin d'une écurie étroite de Old Kent Road. Cette chapelle avait jadis servi d'atelier à un constructeur de bâtiments. Cet atelier avait été converti par un spéculateur aventureux en un petit théâtre à deux sous, où de terribles personnages en maillot rouge et en bretelles violettes ornées d'étoiles en papier d'argent avaient jonglé avec des assiettes, des sabres et fait tenir en équilibre des perches et quelquefois des hommes au grand amusement des habitants d'Old Kent Road. Mais n'ayant pas réussi comme théâtre, il avait servi ensuite de tir, puis de bazar, jusqu'à ce qu'enfin l'entrepreneur de bâtiment perdit patience. Et ayant une semaine de libre, il se mit à l'ouvrage avec fureur et frappa, cloua et scia si bien qu'il en fit une chapelle qu'il peignit au blanc de chaux et à laquelle il donna le nom de Little Bella. Mais après avoir construit la chapelle et l'avoir meublée d'une chaire en imitation d'acajou qui avait assez la forme d'un verre à pied, après l'avoir divisée ensuite en petits compartiments carrés avec des bandes taillées dans le bois le plus dur qu'il avait pu trouver dans son chantier, après avoir fait tout cela, le constructeur s'occupa de trouver une congrégation de la poche des membres de laquelle il put tirer, en considération du privilège qu'ils auraient de s'asseoir dans ces compartiments et sur ces bancs peu rembourrés, un produit qui rémunérerait le spéculateur. Après mûre délibération, le constructeur décida que le meilleur moyen de se procurer une congrégation était de commencer par se procurer un prédicateur. Il se mit donc en quête dudit prédicateur, et il ne tarda pas à trouver ce qu'il cherchait, car trois semaines après l'achèvement de la chapelle, les bourgeois de son voisinage immédiat furent réveillés par le bruit de tonnerre d'une voix de basse qui s'échappait du verre à pied recouvert d'une couche de vernis. Ce fut d'abord la curiosité qui poussa les gens à venir entendre le nouveau prédicateur. Beaucoup s'en allèrent dégoûtés avant qu'il n'eût terminé le discours sans suite, qu'il appelait un sermon. Quelques-uns furent assez osés pour parler de blasphème, de profanation et de vulgarité, et pour dire que l'on devrait empêcher cet homme de profaner la parole de Dieu qu'il prétendait enseigner. Mais d'un autre côté, quelques cuisinières, un gros marchand de suif assez bien posé dans le quartier, et deux ou trois vieilles rentières proclamèrent le prédicateur un grand homme, une lumière nouvelle. Les cuisinières allèrent même jusqu'à lui donner le nom de « cher saint homme ». Il courut, cela va sans dire, de nombreux bruits dans les environs de Little Bella, quant à l'endroit où l'entrepreneur avait été chercher le ministre de son tabernacle de sapin et de plâtras. Quelques-uns disaient qu'il l'avait ramassé dans un cabaret, d'autres qu'il l'avait trouvé remplissant les onéreux devoirs d'un surnuméraire au théâtre Victoria, d'autres qu'il l'avait découvert remplissant le rôle de paillasse et qu'il avait été frappé de la puissance de ses poumons. Mais ils eurent beau dire, ses ennemis furent bientôt forcés de reconnaître que M. Joseph Slowgood, ministre indépendant, était un fait établi, que les terres méchues des bancs aussi durs que la pierre commençaient à tomber assez régulièrement dans les coffres de l'entreprenant constructeur. 15 jours après la mort du capitaine Walsingham, M. Joseph Slowgood occupait un après-midi excessivement chaud d'un dimanche par un long sermon. Le marchand de suif, les cuisinières et les vieilles rentières suaient à grosses gouttes sous le soleil qui tapait dur sur la charpente au-dessus de leur tête. M. Slowgood, s'échauffant à chaque mot, hurlait et faisait tomber dénonciation sur dénonciation sur l'innocente tête chauve du marchand de suif et sur les coques et chapeaux des dimanches des cuisinières. Il soulevait la poussière des coussins de velours rouge en tapant sur le devant de la chaire et l'envoyait voler en atomes lumineux dans la petite chapelle. Il divisait son sermon en je ne sais combien de points. Il battait la campagne, il se répétait et se contredisait lui-même avec une énergie inépuisable. Il était grand, avait des épaules larges et un peu voûtées, le teint pâle et basané, des sourcils noirs et des cheveux d'une couleur singulièrement claire, et des yeux d'un vert jaune qui changeaient au soleil comme des yeux de chat. Le lecteur le reconnaîtra à ses vilains yeux de chat. Il est bien changé, cependant, ce monsieur Joseph Slowgood. Il porte un habit noir, beaucoup de devants de chemise et un col droit, qui laisse apercevoir pas mal d'un cou et d'un menton bleu non rasé. Mais ses mains ne sont pas plus propres qu'elles ne l'étaient quand il fumait sa pipe de terre, abritée sous la porte de la loge de Littlewood Park. Et bien qu'il ait des manières plus confiantes et plus ouvertes qu'il n'avait alors, il a cependant conservé quelque chose de son air d'autrefois. Il le reprend aujourd'hui à la fin de son sermon, lorsqu'il entend s'ouvrir la porte de la petite chapelle, et qu'en tournant de ce côté, il voit un personnage debout sur le seuil. La congrégation aussi entend la porte s'ouvrir et toutes les têtes se tournent vers l'importun qui a l'audace d'entrer dans un pareil moment. Il n'ose pas s'avancer, mais il se tient en travers de la porte comme s'il attendait la fin du sermon de M. Slowgood. Les rayons du soleil d'été tombent en plein sur lui, sur ses moustaches blondes, sur ses chaînes d'or, sur ses breloques luisantes, sur son habit de couleur claire et sur ses bottes vernies. Il a l'air un peu plus âgé que la dernière fois que nous l'avons vu, et il est beaucoup plus gros. Mais aujourd'hui comme alors, des pieds à la tête, il est tout brillant et éblouissant d'or. M. Slowgood résume son serment assez brusquement. Il termine les 16 derniers points en moins de 16 phrases et descend 4 à 4 l'escalier de la chaire pendant que le chantre, apprenti d'un cordonnier des environs, dépense des doses homéopathiques d'un hymne qui n'en finit pas. M. Slowgood rejoint l'important aux blondes moustaches sur le seuil de la porte et le suit respectueusement hors de la chapelle. « Voilà donc comme vous vous amusez, monsieur, » dit l'étranger. « Slowgood, monsieur, » dit le ministre. « Slowgood, bien, un nouveau nom, une nouvelle occupation. Vous mettez à profit les lectures de livres religieux que vous faisiez jadis à Littlewood, à ce que je vois. Le sermon était des plus intéressants. Vous donne-t-on beaucoup pour cela ?»« Assez peu, monsieur. » Mais cela ajoute au faible revenu que votre frère vous fait, n'est-ce pas, Slowgood? Soyez assez bon pour vous rappeler que je ne sais rien de votre revenu, qu'il soit de 30 000 livres par an ou de 30 shillings par semaine. Souvenez-vous que je n'en sais absolument rien. Vous êtes un peu dur pour les gens, major, grommela Slowgood en regardant les moustaches blondes et les yeux bleus clignotants fixés sur lui pendant qu'ils sortaient ensemble de la chapelle. Je suis un peu dur pour les gens, mon bon Slowgood, je n'ai absolument rien à démêler avec vous. Je nie vous connaître. Que demain on vous place sur le banc des témoins, que pourrez-vous dire de moi? Rien. Monsieur Josiah, non, Monsieur Joseph Slowgood, c'est là, mon grand principe. Dans tous mes rapports avec mon prochain, la question que je m'adresse mentalement à moi-même est celle-ci. Que pourrait dire cet homme placé sur le banc des témoins? Rien. Donc, je suis en sûreté avec lui. Maintenant, mon digne ami, je voudrais bien voir votre fils. Mon domestique Salamons me dit que c'est un garçon superbe. Allons donc le voir. Vous voulez, hésita M. Slowgood, regardant cette fois le major d'un air inquiet. Je veux voir ce garçon. Pour l'amour de Dieu, M. Slowgood, ne cherchez pas de détour dans la plus simple des phrases. Je vous le répète, faites-moi voir votre fils. M. Slowgood s'inclina, et tournant dans une rue étroite, au bout de laquelle la chapelle était située, ouvrit la porte d'une petite maison et entra dans un petit salon. Une femme, blonde aux traits fatigués et tirés, préparait le thé sur une table placée près de la fenêtre. « Il est là-haut, Major Varney. Je l'ai toujours tenu isolé, selon les ordres que vous m'aviez donnés. »« Non pas mes ordres, souvenez-vous, » répliqua le major, « que je ne suis pour rien dans cette séquestration. » M. Slowgood ne dit rien, mais dans la demi-obscurité du petit couloir, ses yeux de chat se portèrent avec férocité sur le major, qui suivait son hôte qui montait à la chambre sur le derrière du premier étage. Devant une petite table, près de la fenêtre, était assis un jeune homme d'environ 28 ans. Il tenait un journal à la main, et il regardait machinalement dans la cour où jouaient des enfants. Devant lui, sur la table, il y avait 2 ou 3 cigares à moitié fumés, et un tas de publications périodiques à bon marché, toutes chiffonnées et salies. Il y avait un paquet de cartes sur la cheminée, une boîte de dominos, 2 ou 3 vieilles affiches de théâtre, une paire de gants salis qui avait jadis été blancs. Le jeune homme ne leva pas les yeux sur M. Slowgood quand celui-ci entra, mais, sans cesser de regarder dans la cour, il dit d'un ton sec et mécontent « Oh, c'est vous, n'est-ce pas? Vous voilà revenu, enfin. Vous allez me laisser sortir de ce trou, par cette brûlante après-midi. » M. Slowgood allait parler, mais le major l'en empêcha d'un geste. « Mon cher et jeune ami, on ne vous traite pas bien, on ne vous traite pas bien. » Le cher et jeune ami se leva d'un bond et regarda le major en face. Son visage, pâle et maladif, s'anima à la vue de ses joues roses et grasses et de ses moustaches blondes et brillantes. enfin, s'écria-t-il, vous êtes venu, enfin. Je suis dégoûté de ce trou, je suis dégoûté de tous ces détours et de toutes ces réserves. Qui suis-je et que suis-je, et quelle différence y a-t-il entre moi et les autres ? Les joues du jeune homme s'animaient d'un éclat malsain pendant qu'il parlait ainsi. Ses yeux, d'un bleu pâle, se dilataient, et ses lèvres minces et blanches étaient agitées d'un tremblement nerveux. Le major l'examinait en souriant et agitait doucement la tête en se disant à lui-même « Salamandre, c'est un homme intelligent. Alfred Salamandre, c'est un grand homme. Dites-moi, répéta le jeune homme, dites-moi, ne le pouvez-vous pas, qui je suis et ce que tout cela signifie ? Asseyez-vous, cher enfant, dit le major d'un ton doux. Le jeune homme obéit, et le major s'assit à côté de lui devant la petite table. M. Slowgood, toujours debout, les regardait d'un air de stupéfaction. « Vous me demandez, dit le major, en posant affectueusement ses mains sur celles du jeune homme, vous me demandez qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que tout cela signifie. Mon cher enfant, ces trois mots renferment bien des choses, et je ne suis pas encore en position d'y répondre, mais je marche vers ce but, je travaille pour y arriver. La lumière est longue à se faire, mais je crois voir poindre une lueur à l'horizon. Je le crois réellement, jeune homme. Au diable l'horizon, dit le jeune homme d'un ton sec. Pourquoi ne me faites-vous pas une réponse claire ? Pourquoi personne ne peut-il me répondre, clairement, à une question naturelle ? Si je lui demande quoi que ce soit, ajouta-t-il en montrant d'un M. Slowgood, qu'est-ce que j'obtiens ? Pourquoi jouer avec les mots ? Pourquoi cette entente entre vous ? Pourquoi cette mystification ? Si je demande à ce juif qu'on voit toujours ici, je l'aime, c'est un bon enfant. Si je lui fais une question, c'est la même chose, vous vous entendez tous pour me tenir à l'ombre, tous, répéta-t-il avec colère. Le major caressait doucement la main du jeune homme avec la sienne. Acceptez-moi, toujours, acceptez-moi. Je ne suis d'aucun complot, cher enfant, comment le pourrais-je ? Mais je crois que nous en avons découvert un, et je ferai de mon mieux pour le faire échouer. M. Slowgood fit un mouvement. On eût dit qu'il allait parler. Les yeux bleus du major se fixèrent sur lui et semblèrent clouer les paroles sur ses lèvres. « Regardez cet homme, dit le major en montrant M. Slowgood. Supposez que cet homme ait été coupable d'un grand crime qui non seulement aurait cruellement affecté votre jeunesse, mais qui aurait terni les plus beaux jours de celle à laquelle vous étiez cher et que moi, dans l'intérêt de cette personne à laquelle vous fûtes si cher, je sois déterminé à faire échouer ce mystérieux complot dont vous, innocent enfant, vous avez été la victime. » Pendant ce discours, le major n'avait pas cessé de caresser affectueusement les mains du jeune homme, et il n'avait pas détourné les yeux du visage de M. Slowgood. Les traits de ce digne individu eussent été en effet une excellente étude pour un physionomiste. La surprise, la terreur et la colère s'étaient succédés à chaque mot qui était tombé des lèvres de l'officier indien. Et quand le major Barney cessa de parler, M. Slowgood s'écrit avec véhémence. « Dites donc, attendez un peu là, il y a une légère erreur. » Avant qu'il pût dire un mot de plus, le major l'arrêta d'un geste significatif et ses lèvres souples et féminines, ombragées par sa fine moustache blonde, articulèrent lentement le nom de Josiah Bird. M. Slowgood s'enfuit à l'autre bout de la chambre et s'asseyant sur le lit, il tira une Bible de sa poche et commença à lire. Le jeune homme avait vu tout cela avec une impatience fiévreuse. Il saisit le poignet du major Varney et s'écria avec force. « Quel complot ! Qu'est-ce ? Dites-le-moi ! Dites-le-moi ! » « Pas encore, cher enfant, il faut de la patience. Fiez-vous à moi, votre ami, votre sauveur. C'est à moi qu'il appartiendra de vous rendre votre nom et votre fortune. Mieux encore, mon enfant, de vous rendre les caresses d'une mère. Nous devons vous découvrir le plus que nous pourrons ce mystère impénétrable. S'il faut acheter cet homme, eh bien nous l'achèterons. Nous ne voulons pas nous montrer durs avec lui. Loin de nous la pensée de punir. Tout ce que nous voulons, c'est arriver à connaître la vérité. Pour cela, il faut de la patience. Avez-vous confiance en moi, cher enfant ? Oui, s'écria vivement le jeune homme. Vous me croyez votre ami, votre bienfaiteur, votre sauveur, sans lequel vous auriez pourri dans cette horrible chambre, par qui vous pouvez être rendu à votre famille, à vos droits et à votre fortune ? Quel droit ? Quelle fortune ? Qu'importe ? Croyez-vous à tout ceci ? Oui ou non ? Oui, oui. Bien, alors pour l'instant, adieu. Attendez-vous à me voir dans un jour ou deux. « Maintenant, M. Slowgood, accompagnez-moi jusqu'en bas. » Le jeune homme s'empara de la main du major et la porta à ses lèvres. M. Slowgood suivit son visiteur et dans l'escalier, il lui dit brusquement. Je ne veux pas que l'on se serve de moi comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien de bon si vous cherchez à vous mêler des affaires des autres. Tout à votre avantage si vous suivez les conseils et les leçons que vous donnera M. Salamons. On ne va pas se servir de vous, dit le major avec dédain. Mais qu'êtes-vous donc sinon un instrument ? Qu'avez-vous été depuis le commencement sinon un instrument, un pauvre instrument, aveugle, ignorant, stupide, sans esprit pour vous aider vous-même ou aider les autres ? Faites attention à ce que vous faites et l'on vous payera bien. Mêlez-vous des affaires de ceux qui vous emploient et vous entendrez parler de Josiah Bird. Bonjour, mon digne Slowgood. Le major disparut dans la petite rue. Les voisins se mirent aux fenêtres pour le voir passer. Les enfants le suivirent jusque dans Old Kent Road et le regardèrent avec satisfaction monter dans un beau cabriolet.